set, yon. We got the vibes. You got it on this. Si diap du mic bébé, c'est Eric bébé, c'est con bébé, NDP bébé, pas Eric bébé, 203 bébé, 911 bébé, DDMP. Si diap du mic bébé, c'est Eric bébé, c'est con bébé, NDP bébé, pas Eric bébé, 203 bébé, 911 bébé, DDMP. On va comprendre mais ça est évident, où le bloc bande pas Janita, où pour stagner, où pour faire pomper là. Peut-être qu'on est fou, mais rien à foutre, on vient foutre le feu. Encore un freestyle, il le fait, c'est pour les vrais et les refrains. Mais Pisto et Eric, ils se retirent les places et c'est frais. Au mic, écoute les faits, bon pour claque, on sait ça t'est frais. Faut bien écouter qui monde qui l'a derrière microphone. À ma botte, c'est beau qui cache à des bouches, j'ai beau femme. Sometimes wicked man, mais y'a qui vous autres. Parce que ça qu'a fait, c'est parce que ça fait pour faute. Hey. Believe me, oh, you gotta know. Dance on slow, break it and hip hop. No tooth up, never down. Some legend, tout mon an out. Nuka, but no nupa out. I got the vibes. On sauce sa partner. Pas ma hostile, oh, pour voyer les lyrical. Toujours est-elle, j'en peux faire les difficiles. Mais watchin' bien que Alex, pas mon an top. Ça peut-être qu'on est fou, mais rien à foutre. On vient foutre le feu. Encore un plus taille, il fait. C'est pour les vrais et les refrains. Mais Pisto et Eric, ils retirent les places. On va comprendre mais ça est évident. Où le bloc bande droit Janita. Où pour stagner, où pour faire pomper là. Mephisto, NLX, radio les garçons. On veut pas comprendre, nous pas les choix de toutes les façons. On tient le place, je joue la vibe, je technique. Et le personnage, Mephisto, oui. Il est le petit rue noiteuse avec une grande gueule. Lyrical, cannibale, vous faire le cerveau comme Hannibal. Je n'ai sur le mic parce qu'il vous coûte trop de mecs. Le mal est mal, les mal, les initiales. Après c'est ça, si c'est chauffer la salle. Official, accompagné d'Alex, les menus test, c'est taille. Bâti boy, t'es battu d'avance, on a trop d'avance. C'est doré d'avant, on va de l'avant. Donc si tu veux test d'avant, prépare ton test d'avant. Diap du mic, poésie quand je m'installe sur instrumental. C'est du 9 installe en freestyle, foncez sous Haya. Phénoménal, c'est Skaya. A l'heure où tu me vois, lâche full d'Awa. Faya, retiens le place, même Mistoga. Le bourgalais sur pile, qui fait des motifs, prend des gros drips. Ramène ta clique comique, quand je clique comique, les négro flip. Allume un cul flip, c'est mon senti qui faut tient le place. C'est le coup, c'est la com' et fils de Quazy. Je représente pour les boys, boys et les ladies. Voilà mon produit, 100% vrai quand je m'introduis. Maintenant tu connais le son du real MC. Fais le tourner à tes sous, je vous appelle dans toutes les décis. On va comprendre mais ça est évident. Où est le bloc, bande droit, j'ai un état pour stagner.